Bonjour et bienvenue à cette émission qui vous parlera des littératures de l'imaginaire. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle que j'ai écrite en octobre 1992, qui fut publiée en France dans L'Angle ouvert numéro 11 de Bruno Dehaye en janvier 1993 et que j'ai enregistrée en 2002. Kael introduit l'histoire. La musique est de moi. Petit texte à saveur fantastique et biographique. Les éditions de l'Avenir présentent « Une main sur l'autoroute », un texte de Christian Martin, paru à l'origine en France, dans le numéro 11 de L'Angle ouvert, et lu par Christian Martin. Agrippé au volant, j'écarquille les yeux à m'en faire mal. Visibilité presque nulle. Le ciel a sûrement une dent contre nous, pauvres Québécois. Depuis plus d'une heure, il crache son verglas sur nos têtes. Chaussée glissante. Vitesse réduite. Peu de circulation sur l'autoroute qui se transforme en patinoire. Courbe. Aïe. Dérapage. Ouf. Retour dans ma voie. Bordel. Qu'est-ce que je fous là? Pas un temps à mettre un éditeur d'or. Et pourtant, je suis bien d'or. Ou plutôt, ma guimbarde y est. Et moi, je me cramponne désespérément au volant, sur le qui-vive, tentant de conserver un minimum de contrôle sur l'engin. Virage, nouveau dérapage, et merde! J'haïs l'automne! Je retire mon pied de l'accélérateur et la guimbarde cesse de valser. Mon humeur ne s'est guère améliorée depuis le matin. Difficile d'avoir le sourire quand le téléphone vient fracasser un rêve d'amour un samedi matin à 6h30. Richard, mon diffuseur, me pressait de foncer sur Montréal. Un problème, semble-t-il, avec les stocks des éditions de l'avenir. Sans plus de précision. Ils seront tentés d'ajouter. Monte, ça urge. Bien sûr, il a réussi à m'inquiéter. J'ai considérablement investi dans notre dernière production. Passant devant la douche avec regret, j'ai attrapé un fruit ou deux pour la route et j'ai sauté dans ma guimbarde qui, miraculeusement, a accepté de démarrer sans trop se faire prier. J'ai foncé dans un ciel menaçant. Peu après, les nuages ont crevé. Système de chauffage déficient. Je l'ai mis au maximum pour empêcher que le pare-brise ne givre complètement. Les essuie-glaces l'assistent de leur mieux, ce qui est peu. J'avale les kilomètres à petite bouchée prudente. Impossible de faire autrement sans risquer de visiter d'un peu trop près les murailles rocheuses qui bordent l'autoroute. Un éclair, soudain, sur ma gauche, me fait sursauter, entraînant une embardée. La guimbarde glisse contre les garde-fous. Shit! Ma peinture! Je m'inquiète surtout pour la rouille sur la carrosserie. Je sais qu'elle camoufle tant bien que mal de nouveaux trous. Une carrosserie grugée n'incite pas les patrouilles de l'opération Minoun à la clémence. C'est la fourrière qui gâte ma pauvre guimbarde. Et comme tous mes moyens sont investis dans les éditions, il ne m'en reste plus guère pour changer de voiture. Il faut donc préserver celle-ci au maximum. Relevant mon col, je sors inspecter les dégâts. Le crachat céleste me harcèle aussitôt. Je passe à l'arrière du véhicule et jette un œil sur le côté du passager. Impossible de faire un constat des dommages, la guimbarde repose toujours contre le garde-fou qui lui a évité de glisser dans le profond fossé qui, comme les douves du Moyen-Âge pour les châteaux, protège la muraille schisteuse. Au moment de remonter en voiture, je me souviens de l'éclair. Cause de l'embardée. J'inspecte les alentours. désert. En fait, en y pensant bien, il n'y a pas eu une voiture en vue depuis au moins 20 minutes. Trempé, je dégouline de partout lorsque je reprends place au volant. C'est tout de même curieux, cet éclair. Illusion? Possible. À grande tension que demande la conduite dans un temps pareil, peut en être la cause. Après un sinistre gémissement de ma carrosserie contre le garde-fou, je reprends la route. Les kilomètres se traînent, dixième par dixième. Un nouvel éclair, perçu du coin de l'œil gauche, a failli avoir des conséquences similaires au précédent. Je réussis cependant, par pur réflexe, à reprendre le contrôle à temps et à remettre mes 4 roues sur le droit chemin. Un exploit, croyez-moi. De fréquents coups d'œil dans le miroir latéral ne m'apprennent rien sur l'origine des éclairs. Un orage? Par un temps pareil? Sûrement pas les éclairs de chaleur, en tout cas. Curieux. Vraiment curieux. Nouveau coup d'œil inquiet. Ah, merde! Coup de frein. Dérapage plus ou moins contrôlé. Arrêt. Ce n'est pas possible! Je dévisage mon miroir. Une fraction de seconde, j'ai cru y voir une main. Noire. Au gris foncé. Palmée. Je deviens dingue. J'hésite à ouvrir la portière. Et si je n'avais pas rêvé? Fais pas le con. Et sur cet auto-encouragement, j'entrebâille la portière, laissant aussitôt s'infiltrer à l'intérieur des petites billes qui sursautent sur la banquette. Aucune trace d'une main noire. Normal. D'où aurait-elle pu venir? Je faisais tout de même du 50 km/h. Cependant, je ne suis pas tranquille. Ça devient un peu trop bizarre pour moi, cette histoire. Bon, d'accord, j'ai une légère tendance à la paranoïa, mais pas à l'hallucination. À moins que... Serais-je vraiment malade? Plus malade que je ne l'ai cru à ce jour? J'ai envie de faire demi-tour et d'aller me coucher. Ça ne me va pas du tout d'être réveillé en plein rêve d'amour un samedi matin. Mais je songe à Richard, au problème avec les stocks des éditions. Et puis, faire demi-tour sur l'autoroute, ce n'est pas évident. Au fond, je me suis tapé la moitié du trajet aussi bien continué. D'ailleurs, le temps se réchauffe et la patinoire se retransforme en route. Ce sera plus facile maintenant. Le soir. Les phares de ma guimbarde percent la nuit. Je suis de retour vers Sherbrooke. Les problèmes avec les stocks des éditions se sont avérés moins problématiques que prévu. Ils ont été réglés assez rapidement. En fait, une fois sur les lieux, Richard m'a avoué avoir tenté de me rejoindre dès qu'il s'est aperçu de l'erreur infiltrée dans ses livres. En vain, bien sûr. J'avais quitté la maison depuis longtemps. Quant au téléphone cellulaire, il ne s'est pas encore ajouté à la technologie périmée de ma guimbarde. Libéré donc assez rapidement des dits problèmes, j'en ai profité pour rendre visite à Pierre Lacroix, vieux complice de l'époque de tantôt. En excellente compagnie, j'ai garé le temps en palabres et projets. Résultat, je rentre chez moi en me faufilant dans la nuit. Jusqu'ici, le trajet s'est effectué sans pépin. Nulle trace des hallucinations de la journée. En y songeant bien, c'est ici que ça s'est produit. Entre Sherbrooke et Granby, éclair. Voilà que ça recommence. Ça m'aurait étonné aussi. Je ne suis pas paniqué comme précédemment. Au cours de l'après-midi, j'ai eu le temps de m'habituer au phénomène. Je suis présentement plus curieux que terrorisé. Mais la main blanche, spectrale, qui sort de mon miroir latéral pour me saisir à la gorge, a vite fait de changer ça. Brusque coup de frein, hurlement des pneus, cri de klaxon effrayé au courroucier qui m'évite de justesse. Coup d'œil à gauche, plus de main blanche. Retour du bon sens. Je me range sur le bas-côté. Le front contre le volant, je me demande d'où sort cette main impossible. Je me sens fatigué. Le phénomène a dépassé le stade de la curiosité. Il est devenu une menace. Fantôme? Spectre? Ou autre chose? Et pourquoi? Soudain, déclic. Je cherche fébrilement dans ma mallette le dernier numéro de l'angle ouvert. Je tâtonne, je palpe. Où se cache-t-il? J'allume le plafonnier et retrouve aussitôt mon exemplaire. Voilà, j'avais raison. Tout sur l'angle mort. Arborant le sourire du gamin ayant découvert la cache des cadeaux de Noël, je sais maintenant d'où vient la main. Et je sais comment m'en débarrasser. Dans le coffre arrière, je pêche un miroir latéral que je conservais auprès des différents contenants d'huile, d'antigel et de lave-vitre. Depuis qu'un jour un farceur m'avait arraché le mien, j'en gardais toujours un de secours au cas où. Je m'arme d'un marteau, d'un poinçon et d'un tournevis et, à la lueur d'une torche électrique sporadiquement amplifiée par les phares des voitures qui passent sans me voir, j'installe ce deuxième miroir latéral légèrement sous le premier. Devoir accompli, je m'assieds au volant et règle ma petite fenêtre magique. Je reprends la route, le cœur plus léger. Je sais que la main me laissera désormais tranquille. Mon nouveau miroir m'a tué dans le mort. Et voilà, vous pouvez retrouver cette nouvelle sur le blog des éditions de l'Avenir à lavenirudio.canalblog.com. Merci de votre attention, à bientôt.